Bonjour à tout le monde, bienvenue sur Radio No Culture. Vous êtes dans été.mp3, votre émission quotidienne de l'été dans laquelle je vous fais découvrir, j'espère, des chansons que vous allez apprécier. Aujourd'hui, on va écouter du funk avec Ofunkio, un groupe andalou. Une chanson sortie en 2019 sur leur album Ofunkio Terapia et une chanson qui s'appelle Otro Escalón. Allez, c'est parti. Ofunkio Terapia. Número 7 de Canillo. Los papis de esto, escucha. Han pasado 20 años desde que esto se creó. Nos hemos reinventado para subir otro escalón. Fuimos reyes quillo, lo perdimos todo. Hemos matado, hemos muerto la reencarnación. Ahora estamos aquí para disfrutar el momento, para vivir con alegría y sanarnos por dentro. Fuera ruina, no más autodestrucción. Puta cocaína, maldito alcohol. Fuquillo terapia, familia, o funquillo música y los astros nos vigilan. Viva Roberto Dabledón, viva Silvio Lola Flores, Camarón. Y a seguir liando el taco, a escribir canciones, a visitar cada funcado y con papá no de emociones. Cantamos con el corazón, seguir disfrutando en su vida del calor. La música es la razón de que. Pisando cosas de mente, buscando soluciones. Menos mal que tenemos un manager con billetes y dos cojones. Tienes cielo verano. Ahora regresa una fuerza cósmica, un aliento energético que nos devora. Un latido universal que ha guiado nuestras vidas. Eso que algunos llaman música. Para nosotros una forma de vida. Lo que escucho está hecho de corazón. Sin picardía, guasa, rollido vacilón. Que nos vamos para la casa. Cantamos con el corazón, seguir disfrutando en su vida del calor. La música es la razón de querer con locura y vivir con pasión. Hay mandanga gorda y rollazo ganío. Este sale puro lo que nos tiramos al río. Esos cuernos al aire, todo el mundo más areta. Somos la alternativa en el país de pandereta. Sube la camisa y enseña las tetas. Otro Escalón, c'est une chanson de Ofunkio sortie en 2019. Il y a pas mal d'albums qui sont sortis en 2019 et qui sont fait avoir par la pandémie derrière. Une chanson qui s'appelle Otro Escalón sur Ofunkio Terapia. Voilà, la première chose à dire, c'est qu'on a fait un chrono dessus avec Oshka qui est lui-même andalou, donc qui les connaît assez bien. Je crois qu'on l'a fait d'ailleurs en deux parties parce qu'on a quand même pas mal de choses à dire dessus. Donc voilà, ouais, Ofunkio, il me semble que c'était le sixième album. Ça fait maintenant près de 25 ans. Qu'il joue autour d'un noyau dur, le chanteur, le bassiste qui est une espèce d'énorme monstre et le guitariste, il me semble, voilà, c'est un peu, c'est les trois, je crois, officiellement qui font partie d'Ofunkio et le reste, c'est des musiciens additionnels. Et donc, vous l'avez entendu, mélange déjà sur cette chanson, ça part sur un rap, mais avec une musique très années 80, le temps où le rap c'était encore sur les instrumentales de de funk, de disco, tout ça, parce que là forcément c'est pas des samples, c'est vraiment joué en live, et puis un refrain très très rock, pour le coup, qui va un peu célébrer ses 21 ans, apparemment il disait dans la chanson 21 ans de carrière, mais voilà, au Funkio, donc si vous écoutez pas le chronobio qui leur est consacré, pour résumer, un très bon groupe, en particulier le premier album, qui est vraiment une espèce d'effervescence entre rock, parfois métal, et surtout beaucoup de funk. Voilà, un gros mélange de tout ça, avec des musiciens qui vraiment savent vraiment ce qu'ils font, et c'est vraiment très cool. Voilà, ils avaient fait une poche, je me souviens, il y a une dizaine d'années. Maintenant, j'espère peut-être pouvoir les voir dans le coin, si quelqu'un est assez ambitieux pour les faire venir. En même temps, c'est un groupe qui avait très très bien marché à l'époque où j'organisais des concerts pour des assos. On avait au Funkio dans la liste que les maisons de disques nous envoient, avec des groupes comme Shutaga, Bershak, tout ça, au Funkio était dans la liste, donc ça serait pas complètement déconnant qu'ils viennent jouer ici. C'est un groupe quand même assez connu. Voilà, moi on vous conseille du coup avec Oshka d'écouter leurs albums, en particulier le premier qui est certainement le plus réussi. Après, ça commence petit à petit jusqu'au troisième à avoir un peu moins de créativité. Ils font une pause entre le troisième et le quatrième album pendant quelques années. Ils reviennent, ça commence à tabasser un peu, et puis c'est pas si fou que ça. Mais cette chanson-là, personnellement, je l'aime beaucoup, avec cette espèce de choses un peu grandiose qui vient fêter la plus de vingtaine d'années de carrière du groupe. Voilà, au Funkio, c'était Otro Escalón, sur l'album au Funkio Terapia, sorti en 2019. Au Funkio s'écrit O apostrophe funk comme du funk apostrophe io i2lo. Voilà, groupe andalou, on peut reconnaître les andalous, ils prononcent assez peu les S, je sais pas si vous l'aurez remarqué, réécoutez un peu cette chanson là ou les albums, ils aiment pas trop les S, ils essayent de les éviter, on dirait. C'était au Funkio avec Otro Escalón dans été.mp3, et nous on se retrouve comme d'habitude demain, salut. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette septième émission de ce format là, été.mp3. On est avec aujourd'hui Carpenter Brut, un artiste qui fait de la synthwave. Alors peut-être que vous savez pas ce que c'est la synthwave, vous allez le découvrir maintenant. Une chanson qui s'appelle Hang Them All sur son deuxième EP, on va en parler après, vous verrez pourquoi EP 2, qui est pas de vraiment de nom. C'est sorti en 2013 et on en parle évidemment après, comme d'habitude. Carpenter Brut avec Hang Them All. Carpenter Brut avec Hank the Mole sur son EP, son deuxième EP. Voilà, Carpenter Brut qui est arrivé, du coup là c'est 2013 il me semble, en 2011 ou en 2012, qui a sorti 3 EP d'affilée, qu'il a ensuite réuni en un seul album qu'il a appelé Trilogie. Ça reste assez logique. Voilà, et donc on a ici un mélange entre quelqu'un qui est visiblement un métalleux et un son assez typique des années 80, c'est-à-dire un truc très très synthé, mais pas des synthés un peu modernes, bien graves tout ça, mais des trucs assez presque cheapos. De temps en temps il y a quand même quelque chose d'une bonne grosse basse bien moderne quand même, pour un peu faire remonter tout ça et pour avoir un son assez massif comme il l'a. Voilà, je pense que c'est des mélanges de plusieurs synthés différents mis en même temps pour avoir un son assez massif. Voilà, donc ça c'était 2013. Depuis, il a sorti deux albums de plus, d'ailleurs qui s'appellent le premier Leather Teeth et le deuxième Leather Terror, et il me semble qu'il va sortir un troisième album sur la trilogie, on va dire Leather. Alors, il me semble que c'est qu'on appelle ça cuir, voilà, sur sa trilogie du cuir, je ne sais pas trop comment l'appeler. De ce que j'ai compris, il y a un troisième album qui doit venir boucler cette trilogie là il a sorti aussi un live en 2017 et il a fait l'album d'un film qui s'appelle Blood Machines, une espèce de film d'horreur SF, il me semble que ça, je ne l'ai pas vu, je dois avouer, mais la musique est vraiment vraiment très cool, et il abandonne un peu plus ses synthés pour des samples d'orchestre, des violons, tout ça. Alors c'est évidemment toujours joué au synthé, parce que du coup c'est quand même son style, mais ça prend une dimension un peu plus cinématographique. Carpenter Brut avec Hank the Mole sur son deuxième EP sorti en 2013. Voilà, si vous avez aimé, pareil, n'hésitez pas, c'est partout sur toutes les plateformes, et c'est vraiment quelque chose de vraiment cool. Vous pouvez aussi trouver d'autres artistes qui font ce genre de truc. Alors, l'autre auquel on pense, c'est souvent Perturbator, qui sera peut-être un peu dans le même style, un peu agressif comme ça. Mais vous connaissez peut-être Kavinsky aussi, certainement, qui a fait la musique de, ou en tout cas une chanson du film Drive. Vous connaissez certainement ça. Et puis voilà, c'est surtout dans ces années, ouais, début 2010 que toute cette vague est apparue. Et puis c'est quand même assez des musiques assez massives finalement, même si c'est fait avec des sons de vieux synthés un peu dégueu. Et bien ça marche plutôt pas mal. Voilà, ça fait plaisir aussi d'avoir des choses un peu originales comme ça. Voilà, c'est tout pour Carpenter Brut. Et moi je vous dis à la prochaine fois, toujours sur été.mp3, votre émission hebdomadaire. Tout l'été, hebdomadaire, quotidienne, tout l'été. Bonjour tout le monde, bienvenue sur été.mp3. Aujourd'hui, c'est la 8e émission, 8e chanson que j'espère vous faire découvrir, même si celle-là, vous risquez quand même de la connaître quand même. C'est All By Myself de Céline Dion. C'est un live à Montréal. C'est, voilà, je pense que c'est ma chanson préférée de Céline Dion. Cette version en particulier, en live à Montréal, 197. Et comme d'habitude, on l'écoute et on en parle. Après, c'est Céline Dion en live à Montréal avec All By Myself. When I was young, never needed anyone. Making love is just for fun. Those days are gone. Living alone. Think of all the friends I've known. But when I died, the telephone, nobody's home. So distant and obscure remains to cure. Oh, Céline Dion avec All By Myself, c'est un live à Montréal, je vous dis 97, non c'est 96, c'est sorti après en 97, voilà une chanson que j'adore personnellement, j'aime beaucoup Céline Dion, je sais ça peut-être étonner certains, je suis un gros fan de Céline Dion, c'est la plus grande, c'est la meilleure, et donc cette chanson qui est une reprise de Eric Carmen, qui est sorti originellement en 1975 et que qu'il a proposé lui-même à Céline Dion. D'ailleurs, si vous allez voir la vidéo, c'est lui qui joue au piano, Eric Carmen. Mais il n'y a pas l'espèce de la grosse montée où elle pète un plomb à la voix. Sur l'original, ça c'est vraiment une chanson, une particularité de cette version-là. Voilà, qui a aussi été proposé par Eric Carmen de faire ça. Apparemment, de ce que j'ai vu sur une interview de Céline Dion, c'est qu'il lui proposait de faire ça. Elle n'était pas trop chaude parce qu'elle le sentait pas, je sais pas quoi. Et il lui a dit, ah bon, tu crois que t'es pas capable de le faire? Et elle a pris la mouche. Et donc elle l'a fait. Voilà, une chanson que j'aime particulièrement pour son aspect grandiose, ça étonnera personne. Et puis son côté, toute la fin là qui part vraiment fort avec la guitare et tout, c'est presque du rock à ce niveau-là. Il suffirait de rajouter une petite guitare un peu saturée, et puis ça serait pas déconnant d'appeler ça du bon gros rock. Voilà une chanson qui sera une des signatures de Céline Dion au cours des années. Voilà, il y a pas mal de versions qui traînent sur YouTube, de cette version-là au Grammy, cette version-là en 2013, etc. Voilà, c'est peut-être la chanson aussi qu'il a fait connaître ailleurs qu'en France et au Québec. Je rappelle qu'avant ça, elle a beaucoup travaillé avec Jean-Jacques Goldman sur un album dont j'ai oublié le nom, mais voilà, composé par Goldman, on sent vraiment sa patte et c'est vraiment très très bien. Et puis après, elle est partie un peu, convaincre les États-Unis, conquérir les États-Unis, et elle a réussi. Aujourd'hui, c'est quand même une énorme star internationale. Elle a des problèmes de santé en ce moment, j'espère qu'elle ira mieux et que pour ses fans, elle pourra faire de la scène, parce que ben, pour le coup je pense que c'est quand même quelque chose à voir. Céline Dion sur scène, ça doit être assez impressionnant, parce que vraiment, je le dis, je n'ai pas honte de le dire, c'est pour moi la meilleure, la plus grande chanteuse du moment, en tout cas sur la planète. Et voilà, je m'en fiche si vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'était Céline Dion dans été.mp3. Salut. Et bonjour tout le monde, bienvenue dans été.mp3, votre émission quotidienne durant tout l'été, tous les jours. J'essaye de vous faire découvrir une chanson que j'apprécie particulièrement en essayant de changer de style à chaque fois. Et là, on va passer à quelque chose, je sais pas trop comment le décrire, de jazz fusion rock. Quelque chose comme ça, un groupe parisien, il me semble, qui s'appelle Sarab, S-A-R-A-B, avec une chanson qui s'appelle Étranger est un verbe, avec en featuring avec Alain Damasio, qui lui est un écrivain reconnu. Une chanson sortie en 2021 sur l'album Arwa Oura, et voilà, on écoute ça et puis on en parle comme d'habitude après. Il y a une erreur sur le mot étranger. Ce n'est pas un nom étranger, c'est pas un adjectif. Étranger est un verbe. Un verbe d'action transitif. Qu'on utilise pour mettre à distance ceux qui sont pourtant comme nous. Pour les éloigner de cette évidence qu'ils sont comme nous. Qu'ils sont nous. Comme un verbe, comme tout verbe étranger se conjugue. Je t'étrange, tu m'étranges, elle s'étrange, nous étrangeons, vous vous étrangez. Il s'étrangle. Quelques mots qui ne sont pas comme tous les mots. Des mots qui ne quel enfant, devant une carte de la Méditerranée, voit un lac avec des îles. Il voit des terres bordant ce lac, réunies comme autour d'un feu, bleu, épaule contre épaule. Mare Nostrum, notre mer, la grecque, la marocaine, l'espagnole et la syrienne. Notre mère, l'algérienne, la turque, la juive et la palestinienne. Notre mère, la corse et la libyenne. Notre mère, la croate et la crétoise, l'italienne ou l'égyptienne. Et on devrait empêcher les gens d'aller, de voler, de voguer d'une rive à l'autre. Au nom de toi! Au nom de toi! Empêcher les gens d'aller, de voler, de voguer d'une rive à l'autre. Mais au nom de toi, au nom de toi, bordel de merde. Au nom de toi, de quelle putain de loi. Au nom de toi. Étranger est un verbe, une chanson du groupe Sarab, qui n'a pour l'instant sorti qu'un seul album en 2021. Il me semble que le deuxième est en train de sortir, il y a des singles qui sont en train d'apparaître. Voilà, en featuring avec Alain Damasio, qui est donc un écrivain qui a écrit La Horde du Contrevent, que j'ai pas lu, mais il paraît que c'est un livre assez fantastique, que j'essaie de me procurer pour essayer de le lire aussi. Voilà, donc des musiciens de Paris, on sent le côté conservatoire quand même, des musiciens qui sont au conservatoire. Ils maîtrisent parfaitement leur instrument. Il y a des petits trucs à droite à gauche, du remplissage. Ça, c'est très, très conservatoire, ça, je trouve. On va mettre un petit truc à droite à gauche, etc. Donc, étranger est un verbe. Le nom de la chanson, c'est aussi, alors je vais mal le prononcer, Nahnu Harak, certainement très mal prononcé. Voilà, un groupe qui a des paroles donc en français, en anglais et en arabe, avec une chanteuse qui chante en arabe, pas exclusivement en arabe, mais assez souvent. Voilà, les autres musiciens qui eux sont passés. Ça s'entend du conservatoire et qui font une espèce de mélange, voilà, de jazz fusion, de rock, parfois métal aussi un petit peu. Sur cette chanson-là, on entendait un petit peu, mais quelque chose de très très prenant, très travaillé, très très travaillé. Et vraiment qui va aller chercher le petit détail qui tue, le petit silence au bon moment, la petite trompette qui va aller juste à gauche pour amener un petit sentiment qu'on n'a pas forcément jusque là. Enfin, c'est vraiment très cool. Tout l'album est évidemment disponible un peu partout, enfin, sur toutes les plateformes. Arwah, A-R-W-A-H, et plus loin, H-U-2-R-A, si vous voulez retrouver l'album, ou sinon le groupe, c'est peut-être plus simple, Sarab, S-A-R-A-B. C'est sorti en 2021. Vraiment, je vous conseille d'aller écouter cet album. Il est vraiment, vraiment assez fantastique. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine.